1, 2, 1, 2. Testing, testing. Bon, ben, j'imagine que vous demandiez tous, qu'est-ce qui se passait? Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de podcast, tatien, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vous avais dit, hein, dès le début que c'est. Podcast-là allait aller en diminuant de façon logarithmique, plutôt exponentielle. Donc, on est mardi, le 24 avril, et dans exactement 1 mois et 1 jour, si vous avez bien écouté mon dernier podcast, je vais exposer une installation immersive, interactive, nouveau média, à la Galerie Tent à Rotterdam. Donc, je m'étais dit que ce serait peut-être le moment de vous faire entendre ma belle voix en pseudo-direct de l'Europe. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Évidemment, comme tout bon Américain, ma mémoire à long terme dure à peu près 3 jours. Donc, je vais vous parler peut-être des 3 derniers jours. Donc, dernièrement, ce qui se passe dans ma vie ici, c'est que j'en avais un peu plein le cul de travailler tout le temps comme un Christ de malade. Donc, j'ai pris des petites vacances en fin de semaine. Samedi, en fait, la semaine d'avant, j'avais déjà lancé première brique de cette nouvelle habitude qui consiste le samedi à m'occuper de faire mon lavage et surtout aller au marché à la place centrale d'Amsterdam, la place du marché en fait, et de me promener comme ça dans les étalages et d'acheter, entre autres, du poisson frais. Donc samedi, je me suis fait, j'ai invité Andrea, l'artiste invité en résidence avec moi, à venir faire des sushis au thon avec moi. Et c'était très drôle parce que en fait, elle n'avait jamais pensé qu'elle pouvait en faire. Puis moi, j'aime tellement ça, montrer au monde enseigner des trucs. Fait que c'était vraiment le fun. Puis dimanche, j'ai fait quelque chose d'assez le fun. Je suis parti en vélo, direct de Rotterdam jusqu'à La Haye. Alors, La Haye, hein? Il y a des gens qui savent, qui connaissent le nom. Qui connaissent le nom, qu'est-ce que ça dit? Je vous donne une seconde ou deux pour réfléchir. Et oui, le tribunal international, en tout cas, je me semble, hein, me semble, tribunal pénal international de La Haye. Hein? Donc, effectivement, je suis pas mal sûr que c'est ça, mais je suis pas allé voir le tribunal. Je suis, parce que je ne suis pas un criminel de guerre. Éventuellement, effectivement, c'est une option que je considère à long terme, mais pour le moment, j'ai décidé de commencer par de petits crimes. Donc, j'ai décidé de faire des installations interactives qui coûtent super cher et qui servent à rien. Mais éventuellement, peut-être que cela pourrait me mener effectivement à me retrouver à la haie. Pour avoir tué des millions de personnes à cause de leur religion, par exemple. Mais pour le moment, je suis allé à La Haye en vélo comme ça pour le fun et ça a été assez génial en fait à accepter pour le fait que je suis parti dimanche, hein, donc Je vais revenir à cette question-là de dimanche très rapidement. Donc, je suis parti dimanche en vélo et mes tires étaient flat. Fait que je voulais mettre de l'air dans mes tires. Et qu'est-ce qui se passe le dimanche en Europe? Est-ce que quelqu'un le sait? Hein? Qu'est-ce qui se passe le dimanche? C'est le jour de, le jour du, le jour du Seigneur. Alors, le jour du Seigneur, est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce qui se passe le jour du Seigneur? Hein? Il se passe rien. Il se passe rien le jour du Seigneur. Hein? Le jour du Seigneur, on se repose. Alors, on ne gonfle pas ses tires de vélo le dimanche. Et si on est un mauvais croyant et que nous, on s'en calisse, puis qu'on veut aller faire gonfler ses tires pareil, eh bien, tout est conçu pour nous empêcher de gonfler nos tires. Parce qu'il n'y a personne le dimanche qui a vraiment envie de faire autre chose que de se reposer. Et vraisemblablement, gonfler des tires, ce n'est pas reposant. Donc, j'ai pas pu faire gonfler mes tires de bicycle. Il y avait, écoute, même les stations-service sont fermées pour la plupart. C'est ça, je suis parti à la haie début d'après-midi. Ça m'a pris à peu près 2 heures et demie me rendre là-bas. C'est assez drôle parce que la Hollande, c'est comme. En fait, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. La Hollande, tu vois, comme mettons, là, tu prends une carte de la Hollande, puis tu mets une carte du Québec à côté. OK? Là, tu regardes ça, tu sais. Hein? Rotterdam, La Haye. Tu regardes ça, c'est la carte de la Hollande. C'est la carte du Québec, ça fait à peu près la distance entre Montréal et Natashquan. Alors, mettons un dimanche après-midi, tu es à Montréal. Tu te dis, hey, prends mon bicycle, Christy. Mais aller à Natashquan, me revenir après. Tes tailleurs ont besoin d'être bien gonflés. Mais en Hollande, ça se fait, je veux dire. 2 heures et demie, j'étais rendu là-bas. Je suis allé sur le bord de la mer. C'est pour ça que j'allais là, en fait. Je m'en calisse du tribunal pénal international, d'une certaine façon. Puis c'était assez chouette, en fait, parce que. Dans ce pays-là que je connais, que je commence à connaître un peu là, pour ses canaux, ses petites maisons à verticale, son peuple, ma foi, assez insondable, son multiculturalisme. Bon, tout ça, en tout cas, c'est sa langue complètement unique. Donc tout ça, je connaissais ça, mais je ne connaissais pas cet aspect plage de la Hollande. Je connais l'aspect portuaire aussi un peu, surtout à Rotterdam, mais l'aspect plage, je ne connaissais pas. Parce qu'en fait, à Rotterdam, c'est portuaire. Il n'y a pas de plage. Il y a de l'eau, là, mais pas salée. Goûte le pétrole. Puis c'est à peu près ça. Mais là, à La Haye, une super belle plage. Et ce qui était le fun, c'est qu'il faisait super beau. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Puis c'est ça, je suis allé là-bas. Bon, hein, je me suis tapé vraiment un gros trip de vélo. Je traversais la ville. Puis j'étais allé me promener sur le bord de la plage. Hein, en pensant à vous. Puis c'est ça. C'est pas mal ça que j'ai à raconter. Sinon, l'autre affaire que j'ai à raconter, c'est que le projet s'avance super bien. Je suis allé rencontrer le technicien de la galerie Tent aujourd'hui, qui a été super fin. Il m'a, entre autres, prêté de l'équipement. Parce que l'affaire, c'est que. Je suis à Douendé, ils m'ont prêté un peu d'équipement. J'ai un projecteur. J'avais demandé un système de son, ils m'ont donné un petit système de son pour ordinateur. C'est comme. Mais c'est correct, hein, je veux dire. On va pas chialer. Mais Duende, c'est un centre qui est quand même spécialisé. Sont habitués d'accueillir des artistes qui font de la peinture puis de la photo. Hein. Fait que là, hein, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici aussi, là. Mais j'avais pas. En tout cas, il me manquait certains équipements. Puis la galerie Tente, le technicien, m'a passé aujourd'hui. Fait que je suis bien content. Il m'a passé un spot, des extensions, une couple d'affaires dont j'avais besoin. Puis, dernière petite nouvelle. Ouais, ça c'est intéressant peut-être. Je vais vous faire une petite lecture. C'est pas du tout préparé. Parce que, en fait, j'avais pensé que je voulais vous faire ça. Après, j'ai commencé le podcast. Puis. J'ai pas, je voulais choisir en fait un texte. Bon, en allant à La Haye, je suis tombé sur une petite librairie qui s'appelle The American Bookstore, qui se spécialise dans la vente de livres en anglais super chers. Et je suis allé dans la section livres usagés pour payer un petit peu moins cher parce que c'est comme un livre de 100 pages, ça part à 15$, là. Et j'ai trouvé un livre super qui s'appelle Living Space, Poems of the Dutch 50 Years. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais effectivement, le peuple hollandais recèle de surprises. Et il y a un mec, je pense qu'il est anglais, là, tu sais, d'Angleterre. Il a fait il a fait une traduction, en fait, un projet de traduction de texte d'un groupe de poètes hollandais qui ont œuvré après la guerre et qui. C'est ça. Bon, écoute, en gros, il était un petit peu lié au mouvement Cobra. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Fait Cobra, hein, qui était entre autres lié au situationniste en France. Et aussi, le Experimental Group Holland. The Experimental Group Holland. Donc, écoutez, je vais vous faire la lecture d'un de ses poèmes et on va se laisser là-dessus. Alors, j'ai choisi de vous lire un poème de Gerrit Couvenard qui s'intitule Avec l'arrivée du printemps, je me disais que ce serait approprié. A Winter Music. He thinks it rattles in my arm. He says it rattles in my arm. And yes, indeed, it rattles in his arm. The gravity of life it is, a frightened gentleman who shrinks, and shrinking thinks, says, and shrinks. The gravity of life is a gourmet who eats and dwindles. He lies. Entirely in feathers, with oysters, black cat, turkey. He thinks this can't go on forever. It rattles in my arm, it shrinks. And yes, indeed, says he, say, now what is napalm? Bon matin, bonne journée, bonne nuit.